Bonsoir. Bienvenue à l'émission Les Échangeurs d'air. Jean-Philippe Boisbriand au microphone et au choix des disques. Ce soir, je vous propose une petite incursion dans le folk britannique, le country folk américain. Ensuite, on ira dans le Mississippi, le Texas, le Tennessee et la Géorgie, écouter du country blues et du gospel. Ensuite, nous irons au Mississippi, au Texas, au Tennessee et en Géorgie pour écouter des pièces de country blues, de gospel et de fife and drum blues. Alors, on débute avec Bonnie Boy, la chanteuse britannique Shirley Collins. Bonnie boy, could I find À l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et vous écoutez l'émission Les Échangeurs d'air. Jean-Philippe Boisbriand, au microphone et au choix des disques. Vous avez entendu dans ce premier bloc Three Song du guitariste et chanteur britannique Bert Jans. C'est extrait de son album Birthday Blues qui est paru en 1969. Ça a été précédé par la pièce Lizard Long Tongue Boy de la chanteuse et guitariste britannique Bridget St. John. C'est extrait de l'album Ask Me No Questions, qui est paru en 1969. Et on a débuté le bloc avec Bunny Boy de Shirley et Dolly Collins. C'est extrait de l'album The Power of the True Love Knot, un album qui est paru en 1968. Shirley Collins est née en 1935. Elle commence à s'intéresser à la musique folk dans les années 50. Elle rencontre Alan Lomax à Londres lors d'une soirée de musique folk qui, lui, fuyait le McCarthyisme. Elle devient donc son assistante et dans les années qui suivent, il retourne aux États-Unis et elle l'assiste dans l'enregistrement d'une série de disques dans les États sud-américains et ils enregistrent entre autres le premier disque de Mississippi Fred McDowell, un musicien de blues qui roulait sa bosse depuis des décennies mais qui jouait localement. Les musiques enregistrées par Alan Lomax et Shirley Collins ont servi entre autres d'inspiration à la trame sonore du film « Oh Brother, Where Art Thou ». Alors maintenant, on va faire un tour aux États-Unis. On écoute « A Song for You » de Gram Parsons. Wanders all around everywhere, trembles and it shakes till every tree's loose. It rolls the meadows and it rolls the meadows. Take me down to your dance floor. I won't mind people when they stare. Paint a different color on your front door. Tomorrow we will still be there. Jesus built a ship to sing a song to. It sails the river and it sails the tide. Some of my a single thing to work inside. So take me down to your dance floor, and I won't mind the people when they stare. Paint a different color on your front door, and tomorrow we will still be there. I loved you every day, and now I'm leaving. And I can see the sorrow in your eyes. I hope you know a lot more than you're believing. Just so the sun don't hurt you when you cry. Oh, take me down to your dance floor. I won't mind the people when they

subject of this song is I'm born to preach the gospel and I sure do love my job. I'm born to preach the gospel. I'm born to preach the gospel. I'm born to preach the gospel and I sure do love my job. I have never been to no college and I didn't get a chance in school. But when Jesus Christ anointed me to preach the gospel, he sure didn't leave me no fool. Oh yeah, I'm born to preach the gospel. I'm born to preach the gospel. I'm born to preach the gospel and I sure do love my job. Well, we have a lot of educated preachers that fixed up in the head and got their hearts unfixed with God and walking around spiritual dead. Oh yeah, I'm born to preach the gospel. I'm born to preach the gospel. I'm born to preach the gospel and I sure do love my job. Well, you take old Nicodemus, well, they made him as a ruler to rule. But he went by night to meet Jesus and he found himself an educated fool. Oh yeah, I'm born to preach the gospel. I'm born to preach the gospel. I'm born to preach the gospel and I sure do love my job. Oh, preachers ought to stand together, but you see yourself, they have split. And all the churches is a needing right now is a regenerated pulpit. Oh yeah, I'm born to preach the gospel. I'm born to preach the gospel. I'm born to preach the gospel and I sure do love my job. Oh yeah, I'm born to preach the gospel. I'm born to preach the gospel. I'm born to preach the gospel and I sure do love my job. I got a home in depressed. Help me somebody, I need some rest. CKRL, le 89.1 à Québec, et vous écoutez l'émission Les Échangeurs d'air avec Jean-Philippe Boisbriand au microphone et au choix des disques. Vous venez d'entendre dans le dernier bloc Parchman Farm Blues du guitariste américain Bukka White, cet extrait de Parchman Farms, un album qui est paru en 1970. Bukka White est né en 1909 à Houston, au Mississippi, et il est considéré comme un des maîtres du Delta Blues. Ça a été précédé par I'm So Depressed de Abner Jay, cet extrait de l'album One Man Band, un album qui est paru en 2003. Abner Wingate Jay est né en Géorgie en 1921 et est mort dans le même état en 1993. Ça a été précédé par Do Remember Me de Willard Artist Blind Pete Burrell. C'est extrait d'une compilation de l'excellente étiquette Dust to Digital, la compilation Sorrow Come Pass Me Around, A Survey of Rural Religious Black Music, une compilation qui est parue en 2013, une compilation consacrée aux différentes formes de blues et au gospel. Juste avant, vous avez entendu I Am Born to Preach the Gospel de Washington Phillips. C'est extrait de Washington Phillips and His Mandarin Dreams, un album compilation paru en 2016. Washington Phillips est né au Texas en 1880 et est mort en 1954. C'est un chanteur et instrumentiste gospel et de blues américain. Il s'accompagne généralement d'un dulceola, un genre de dulcimer ou de harpe. On a débuté le bloc avec You Don't Know What the Lord Has Done For Me de Annie Lee Crawford. C'est extrait de la même compilation de l'étiquette Dust to Digital, Sorrow Come Pass Me Around, A Survey of Rural Religious Black Music, qui est paru en 2013. On va faire un tour au Mississippi. Good morning, Linscomb. Good. Good morning. Can I go? Can I go home with you? Tell your mama and your papa, Lord, I'm a little. Come on, be my baby, I'll buy. If you don't like that onion, I ain't gonna buy you though. I don't know, Harley, I don't know what to do. I don't mean to hurt your feelings, Lord, I'm getting mad. I'm gonna buy me an airplane. I'm gonna fly from. I'm gonna fly from town to town. I don't find a girl I'm looking. I ain't gonna let my airplane. My baby, come on, be my baby. I'll buy you. I'll buy you a diamond ring. If you don't like that, honey, I ain't gonna buy you a door. Vous êtes à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et vous écoutez l'émission Les Échangeurs d'air avec Jean-Philippe Boisbriand au microphone et au choix musical. Alors, vous avez entendu dans ce dernier bloc « Good Morning, Little School Girl » de Mississippi Fred McDowell. C'est extrait de son album « I Do Not Play No Rock and Roll », un album qui est paru en 1969. Mississippi Fred McDowell avait été, entre autres, découvert par Alan Lomax et Shirley Collins à la fin des années 50. Ça a été précédé par Glory, Glory, Hallelujah, une pièce de Fife and Drum Blues. C'est interprété par Otha Turner and the Afro-Sippie All-Stars. C'est extrait de l'album From Senegal to Senatobia, un album qui est paru en 2000. Otha ou Othar Turner est né dans le Mississippi en 1907 et est mort en 2003. C'est un chanteur et musicien de blues américain et un des principaux représentants du style Fife and Drums. Après la pause, on poursuit presque essentiellement dans le Mississippi. On débute avec I Feel Good, Little Girl de Junior Kimbrough and the Soul Blues Boys. All right. nothing but the roof. All right. Sleep for years. If you could only in the field. Boy, that train went in left Mobile and that don't quit hollering. Started to shake them on down. We'll be right back. C'est déjà tout pour l'émission Les Échangeurs d'air de ce mercredi. Vous étiez en compagnie de Jean-Philippe Boisbriand au microphone et au choix des disques. Alors, vous avez entendu dans le dernier bloc Going Down South du groupe North Mississippi All Stars. C'est extrait de l'album Shake Hands with Shorty, un album paru en 2000. Ça a été précédé par Shake 'Em On Down de R.L. Burnside. C'est extrait de l'album Too Bad Jim, paru en 1994. Robert Lee Burnside est né dans le Mississippi en 1926 et est mort à Memphis en 2005. Quelques-unes de ses influences sont John Lee Hooker, Buddy Guy et Mississippi Fred McDowell. Juste avant, vous avez entendu Forever Motel, une pièce de James Tucker, le frère de Maureen Tucker des Velvet Underground, qui fait partie du groupe de Kropotkins, qui interprétait cette pièce. C'est extrait de l'album Five Points Crawl, un album paru en 2000. Ça a été précédé par She-Wolf de Jessie Mae Hemphill. C'est extrait de son album She-Wolf, qui est paru en 1981. Jessie Mae Hemphill est née dans le Mississippi en 1923 et morte dans le même état en 2006. Elle a eu une carrière tardive qui a commencé en 1979. On a débuté le bloc avec I Feel Good Little Girl de Junior Kimbrough and the Soul Blues Brothers. C'est extrait de l'album Junior Kimbrough and the Soul Blues Brothers qui est paru en 1997. David Junior Kimbrough est né dans le Mississippi en 1930 et mort en 1998. C'est un guitariste de blues américain. Alors voilà, c'est tout pour les échangeurs d'air de ce soir. Il ne me reste qu'à vous dire bonsoir et à la semaine prochaine.